cours numéro 12. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-shaykh al-sa'di rahimahullahu ta'ala, qala shaykh al-islam al-taymiya rahimahullah. Fahuna naqala al-muallif rahimahullah kalaman mufidan li shaykh al-islam al-taymiya rahimahullah. Sur Ayatul Anbiya, il a rapporté une parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah concernant les miracles des prophètes. Et pour appuyer an da'wat ar-rusul wa ar-rusul anfusahum, et bien sûr leur ayat, les miracles des prophètes, c'est des barahin wadiha et dala'il pour celui qui veut al-haq. Et c'est des signes qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés avec la vérité. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آيات الأنبياء مما يعلم العقل أنها مختصة بهم. آيات الأنبياء أي les signes que Allah سبحانه وتعالى il a donné aux prophètes, les miracles إلى آخره. فهذا c'est خاص بهم. أي ces signes ils sont réservés qu'aux prophètes et aux messagers. ليست مما تكون لغير مما تكون لغيرهم فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء وسواء في آياتهم التي كانت في حياة قومهم وآياتهم التي فرق الله بها بين أتباعهم وبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم. نعم الله سبحانه وتعالى il a élevé ses prophètes et ses messagers avec ses signes. Hatta walillah alhamd, ceux qui recherchaient la vérité, ils ont été convaincus. Et taqaddam ma'ana anna min a'zam al-ayat, c'est hadha al-Qur'an al-'azim que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à son prophète alayhi salatu wa salam. Qal wa dhalika mithlu taghriq Allah li jami' ahli al-ard illa li Nuh wa man rakiba ma'ahu fi as-safina fa hadha lam yakun qat fi al-'alam nadhiruh. Hadhihi al-aya al-'azima. أن الله سبحانه وتعالى إلى نوي le peuple de Nuh كلهم tous sauf ceux qui ont obéi et qui ont suivi Nuh عليه الصلاة والسلام et qui sont montés في السفينة معه. السفينة c'est l'arche de Nuh. قال وكذلك إهلاك قوم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد مع كثرتهم وقوتهم وعظم عمارتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد ثم أهلكوا بريح صرصر عاتية مسخرة عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما حتى صاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية ونجا هود ومن اتبعه فهذا لم يكن له نظير في العالم. وهكذا هذا البرهان العظيم وهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أهلك قوم عاد. الله سبحانه وتعالى il a sauvé son messager et ceux qui l'ont suivi. وهكذا ce signe أن الله سبحانه وتعالى les a châtiés avec un vent très très très très fort. Ce signe c'était que pour هؤلاء الأنبياء. قال وكذلك قوم صالح أصحاب مدائن ومساكن في السهل والجبل وبساتين أهلكوا كلهم بصيحة واحدة فهذا لم يوجد نظيره في العالم. وهؤلاء أهلكوا كما قال هنا بصيحة واحدة. الصيحة c'est un bruit très très fort, un cri. Alors quand ils ont entendu هذا هلكوا جميعا, ils ont tous péri sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a préservé. هذه الآيات ces signes c'est que pour les prophètes. قال وكذلك قوم لوط أصحاب مدائن متعددة رفعت إلى السماء ثم قبلت عليهم وأتبعوا بحجارة من السماء تتبع شاذهم ونجى لوط وأهله إلا امرأته أصابها ما أصابهم فهذا لم يوجد نظيره في العالم. وهكذا قوم لوط qui ont fait ce grave péché عياذا بالله فالله سبحانه وتعالى أهلكهم بحجارة من السماء. Des pierres qui sont descendues du ciel ils ont tous péri, sauf Lot et ceux qui l'ont suivi, les croyants. Wallahi alhamd. قال وكذلك قوم فرعون وموسى جمعان عظيمان ينفرق لهم البحر كل فرق كالطود العظيم فيسلك هؤلاء ويخرجون السالمين فإذا سلك الآخرون انطبق عليهم الماء فهذا لم يوجد نظيره في العالم وهذا كذلك سان سين عظيم أن موسى عليه الصلاة والسلام كنت فرعون و Jundo et son armée, ils voulaient lui faire du mal à Moussa alayhi salatu salam et aux croyants. Et ils ont fui, hatta ils sont arrivés vers l'océan, vers la mer. Et ils étaient bloqués, la mer en face d'eux et Fir'aoun et son armée derrière eux. Fa Allah subhanahu wa ta'ala amara Moussa alayhi salatu salam bi dharbi al-bahr bi 'asa, et de frapper la mer avec son bâton. Et c'est une cause. Et Allah subhanahu wa ta'ala fataha ou une fataha al-bahr bi amri. La mer, elle s'est ouverte. Et un passage pour que Moussa alayhi salatu salam et les croyants y passent. Quand Moussa alayhi salatu salam et les croyants y sont passés, Thumma Fir'aoun, quand il est arrivé avec son armée, il a voulu passer et ils ont tous été noyés par la mer. Hada, c'est un signe avim. Ça montre l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. قال فهذه الآيات تعرف العقل عموما أنها ليست من جنس ما يموت به بنو آدم وقد يحصل لبعض الناس طاعون ولبعضهم جرب ونحو ذلك وهذا مما اعتاده الناس وهو من آيات الله من وجه آخر بل كل حادث من آيات الله ولكن هذه الآيات ليست من جنس معتيدة أي من العادة. Ça, c'est des signes qui étaient réservés qu'aux prophètes et qu'aux messagers. Les gens, ils n'avaient pas l'habitude de hada. Et ça montre et ça prouve que Ha'oula al-Anbiya wa al-Rusul, ces prophètes et ces messagers, ils ont été envoyés avec la vérité. Ils ont été secourus par Al-Haq Jalla wa Ala, par Allah, le créateur de toutes choses. قال وكذلك الكعبة فإنها بيت من حجارة بواد غير ذي زرع ليس عندها أحد يحفظها من عدو ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها وهذا مثال عظيم الكعبة qui se trouve dans cette région à Mecca et cette région à l'époque كما قال هنا رحمه الله Biwadin ghayradi zar'in. Mecca, c'est pas connu pour être une région d'agriculture. Là, c'est des montagnes. Qala laysa 'indaha ahadun yahfaduha. À l'époque, c'était un bayt masjidun que personne ne gardait. Wa la 'indaha basatin wa umur yarghabu an-nas fiha. C'est pas un endroit où il y avait des jardins, etc. pour qui pouvait attirer les gens. قال فليس عندها رغبة ولا رهبة ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة ومع هذا c'est l'endroit que les croyants ils préfèrent le plus. أحبوا البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم c'était Mecca. Qui c'est qui a mis cet amour dans le cœur des croyants de هذا البلاد الطيب? كذلك qui c'est qui a préservé cette cité Mecca depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui? C'est Allah Rabbul Alameen. Qala, ma'a hada faqad hafidhaha bil hayba wal azama. Al hayba, c'est quelque chose qui a de la valeur et qu'on respecte. Qala, fa kullu man ya'tiha khadi'an dhalilan mutawadhi'an fi ghayat at-tawadhu'. Tout ça, lillahi azza wa jal. Chaque croyant qui visite Mecca, il ressent dans son cœur de l'humilité, du respect. Et il reconnaît dans son cœur que c'est un endroit sacré. Allah subhanahu wa ta'ala, il a favorisé cette terre sur toutes les autres terres. Qala wa ja'ala fiha min ar-raghbati ma ya'tiha an-nas min aqtar al-ard mahabbatan wa shawqan min ghayri ba'ithin dunyawi. Tous ceux qui se rendent à Mecca, wallahi alhamd, des millions de personnes par an, que ce soit pour le Hajj, la période du Hajj ou l'Umra, ou tout au long de l'année, wallahi alhamd, Anahum, ils ne vont pas hunak pour dunya. Bel, certains, ils font des sacrifices. Bel, certains, ils économisent pendant des années pour effectuer ce voyage. Lillah, azza wa jal. Qala, وهي على هذا الحال من ألوف من السنين depuis des milliers d'années depuis l'époque de Ibrahim عليه الصلاة والسلام jusqu'à aujourd'hui. وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية نعم لبنية ça vient du mot البناء أي une construction غيرها أي الكعبة. وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم نعم. أما غير هذا البلاد الطيب tu peux trouver بعض الناس اللي يدون دولار عليه à un moment donné. À un moment donné, et très très vite, Obama, ils choisissent une autre destination. Et Obama, aujourd'hui, ils aiment telle ville ou tel pays, demain, ils le critiqueront. Amma, هذا المكان الطيب, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait que les croyants sincères, ils aiment هذا البلاد. قال وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل. Et là, c'est un exemple pour éclaircir encore plus le point précédent. Al-Ka'ba, Mecca, quand une armée qui est venue min al-Habasha d'Afrique, l'actuelle Éthiopie, et une armée qui ont voulu détruire hadhihi al-Ka'ba, et dans fi hadha al-jaysh, il y avait un fil. Al-fil, c'est l'éléphant. Qala fa haraba ahluha minha. فبرك الفيل وامتنع عن المسير الى جهاتها. الفيل arrivé à un moment donné quand ils sont arrivés proches de Mecca, الفيل il ne voulait plus avancer. قال واذا وجهوه الى غيرها توجه. Et quand il le dirigeait autre que la direction de Mecca, il avançait. قال ثم جاءهم من البحر طيرا ابابيل كما في سوره الفيل ان الله سبحانه وتعالى عاقبهم. Il a châtié toute cette armée qui voulait faire du mal à هذا البيت العظيم. طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ces oiseaux, chaque oiseau y transportait, y portait dans, avec ses pattes des pierres, des cailloux. Et quand ils sont arrivés عند هذا الجيش, ils ont lancé هذه الحجارة. وأهلكهم الله سبحانه وتعالى بها. قال أي جماعات في تفرقة فوجا بعد فوج أي دي غروب دوازو رموا عليهم حصى هلكوا بها كلهم. Ils ont tous péri. قال فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم. Tous ces signes c'était à des moments donnés. فآيات الأنبياء هي آيات وأدلة على صدقهم. Tout ça pour montrer أن tous ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a donné à certains prophètes, certains messagers, ça montre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Ça montre que la religion de tous les messagers, at-tawhid, c'est la vérité. قال ومن هذا سنة الله قال ومن هذا سنة الله نعم ومن هذا سنة الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين مكذبيهم. ثم ذكر الآيات في إهلاك المكذبين للرسل ونجاة الرسل. قال أي شيخ الإسلام وهذه الأخبار كانت منتشرة متواترة في العالم وقد علم الناس أنها آيات للأنبياء وعقوبة لمكذبيهم ولهذا يذكرونها عند نظائرها للاعتبار. نعم هذه القصص des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ils étaient très très répandus jusqu'à aujourd'hui walillahi alhamd. Ce qui prouve que beaucoup de gens ils ont accepté que c'était la vérité. قال والقرآن آيته باقية على طول الزمن. Et on a une aya ولله الحمد jusqu'à aujourd'hui. Un des plus grands signes c'est ce Coran que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à son messager. بل au dernier des messagers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وتقدم معنا هذا. Ce point, on l'a déjà vu auparavant. قال تتلى آيات التحدي فيه ويتلى قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. On avait cité plusieurs versets في هذا تذكرون أن الله سبحانه وتعالى تحدى أي il a mis au défi quiconque d'apporter un Coran semblable à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans d'autres versets, 10 sourates. dans d'autres une sourate. Ils n'ont pas pu jusqu'à aujourd'hui. Ça montre quoi? Ça montre que c'est un signe évident. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال فنفس إخبار الرسول بهذا في أول الأمر وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الخلق دليل على أنه كان خارقا يعجز الثقلين عن معارضته. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ces versets au prophète Mohammed alayhi wa sallam et que personne ne pourra apporter un Coran semblable. Bel dit sour, bel une sourate comme ce Coran. Ça montre mal, alors que après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu plusieurs générations, des milliards d'êtres humains. Mais personne n'a réussi. Ça montre quoi? Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole, c'est la vérité. Personne ne pourra apporter un Coran semblable à Allah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. قال وهذا لا يكون لغير الأنبياء ثم مع طول الزمن قد سمعه الموافق والمخالف والعرب والعجم وليس في الأمم من أظهر كتابا يقرأه الناس وقال إنه مثله. نعم, alors que beaucoup de gens ils ont écouté ce Coran, ils ont eu connaissance de ce Coran, bien sûr les croyants ولله الحمد كذلك, autre que les croyants, beaucoup de gens ils le lisent, ils l'écoutent. والشيخ هنا il a montré أن مع هذا personne, comme قال, وليس في الأمم من أظهر كتابا. Personne n'a réussi à porter un livre. يقرأه الناس وقال إنه مثله. Et personne n'a jamais pu apporter un livre. Et personne n'a pu prétendre que tel livre, il est comme le Coran. Ce livre, c'est le livre le plus mémorisé. Il n'y a pas un livre qui est mémorisé comme le Coran. C'est le livre qui est le plus lu jusqu'à aujourd'hui. C'est le livre qui est le plus valorisé. C'est le livre qui est préservé depuis l'époque du prophète Mohammed jusqu'à aujourd'hui. Il est préservé. Pas une lettre a été changée. Ça montre quoi? Ça montre celui qui a révélé le kitab al-azim, c'est le créateur de toutes choses. C'est celui qui mérite l'adoration. Jalla wa ala. قال وهذا يعرفه كل واحد وما من كلام تكلم به الناس وإن كان في أعلى طبقات الكلام لفظا ومعنى إلا وقد قال الناس نظيره وما يشبهه ويقاربه. أما la parole d'un tel من الناس, la parole d'une personne quelconque, tu trouveras toujours une parole qui est semblable, une parole qui est proche, une parole qui est identique, une parole peut-être qui est meilleure, إلى آخره. قال سواء كان شعرا أو خطابة أو كلاما في العلوم والحكمة والاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك وما يوجد من ذلك شيء إلا وجد ما يشبهه ويقاربه. نعم, que ce soit de la poésie, que ce soit des hikam, des paroles de sagesse, que ce soit une compréhension, que ce soit des exhortations, des rappels, des livres, il a arrêté, enfin, tu trouveras toujours un livre qui est proche, un livre qui est semblable, un livre qui est plus profitable, un livre qui est un peu moins profitable. Muhim, ça se ressemble, l'imada. Les êtres humains, ils se ressemblent. Amma, al-Qur'an, c'est kalamullah, subhanahu wa ta'ala. Qala, wal-Qur'an, mimma ya'lamu al-nas, arabuhum wa ajamuhum, annahu lam yujad lahu nadhir, ma hirsi al-arab wa ghayri al-arab ala mu'aradatih. Hada alladhi taqaddam min kalam al-Sheikh Sa'di. Ma'a anna العرب à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, ils ont tout fait pour combattre هذا القرآن. بل بعضهم, ils ont essayé de citer des paroles pour montrer que eux aussi ils pouvaient dire ces paroles qui sont citées dans le Coran. وفضحوا, ils ont été démasqués. وعجزوا, ils en ont été incapables depuis l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام jusqu'à aujourd'hui. قال مع حرص العرب وغير العرب, alors que les arabes et les non-arabes qui détestent l'islam, qui combattent هذا القرآن, ils font tout pour montrer les contradictions de هذا القرآن, pour montrer que c'est faux, pour montrer que c'est pas le livre d'Allah عز وجل. ومع هذا, ils sont jamais pu, ils se font du mal qu'à eux-mêmes. إلا فلا vérité ولله الحمد, elle est claire. قال فلفظه آية ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية وأمره ونهيه آية ووعده ووعيده آية وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية. Tout ça c'est des signes. L'essence, les formulations, les mots, tout ça c'est des signes. أي de هذا القرآن. كذلك la valeur que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis dans le cœur des mu'minines, et cette valeur, ce respect, cet amour pour le Coran. Kadhalik, c'est un signe. Wa wa'duhu wa wa'iduhu. Toutes les menaces, toutes les annonces, les bonnes nouvelles qui sont citées dans hadha al-Qur'an, tout ça, c'est des signes, lakin pour ceux qui réfléchissent. قال واذا ترجم بغير العربيه كانت معانيه ايه. نعم, اما s'il est traduit en une autre langue que l'arabe, le sens c'est un signe. Amma les mots eux-mêmes, c'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, limada liana, c'est une traduction, lakin le sens de هذا الكلام, là chaque annahu c'est un signe. C'est pour ça que certaines personnes qui ont lu des traductions, ta'atharu, ils ont été touchés. Pourquoi? Lianna, le sens c'est un signe. Toutes ces informations qui sont citées dans le Coran, maintenant les sens qui montrent que telle chose elle va arriver, ou telle chose elle s'est déjà passée, ou des signes sur la création de l'être humain, maintenant tous les versets qu'on avait lus sur les étapes de la création de l'être humain. Enfin, ces sens, même s'ils sont traduits, voilà, c'est que anahada c'est un signe. C'est pour ça que certains qui ne comprennent pas l'arabe, le Coran il a été traduit, ou le sens plutôt des versets a été traduit en leur langue, et ça les a touchés. Ça montre que c'est un signe. Qala kullu dhalik la yujad lahu nadhirun fil alam. Aucun autre livre n'a cet impact, n'a cette valeur. Aucun autre livre est autant respecté, autant aimé, autant mémorisé, autant lu que هذا القرآن. قال إلى ما قال رحمه الله. نعم, قال في الهامش النص في النبوات لابن تيمية. Donc l'imam al-Taymiyyah رحمه الله, il a un livre النبوات, c'est sur الأنبياء, sur les prophètes. Et dans ce livre, bien sûr, il a cité certains signes de certains prophètes عليهم الصلاة والسلام, et d'autres مسائل. Cheikh Saadi rahimahullah, il a choisi ce passage et il l'a cité dans son livre alayhi rahmatullah. ثم قال رحمه الله فصل ومن البراهين العقلية على وحدانية الله والصدق رسله أن الرسل كلهم وخصوصا إمامهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءوا بالحق النافع فأخبارهم كلها حق وصدق وأحكامهم كلها حق وعدل وحكمة فلم يبق حق إلا جاءوا به وبينوه وحثوا الخلق عليه ولا باطل إلا وضحوه وحذروا الخلق عنه. هذا تقدم معنا كثيرا أن الرسل كلهم وخصوصا plus précisément notre prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام, ils sont venus avec la vérité. Enfin, tout ce qu'ils nous ont montré, que ce soit les récits passés, ou des récits futurs, ou l'ahkam, tout ça c'est fondé sur la justice, comme taqaddam ma'ana, et la sagesse. Qala, wa hadha al-asl muttafaq alayhi bayna jami' al-mu'tarifin bin nubuwwat i'tirafan sahiha. Tous ceux qui ont reconnu la prophétie, matalan, de Moussa, de Isa, ila akhiri, ils sont d'accord avec nous. Et كذلك نحن ولله الحمد, en tant que croyant, chaque croyant il reconnaît la véracité du message du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. قال فمن ادعى عقلا ومعقولا يناقض هذا الأصل الذي جاءت به الرسل عرفنا يقينا أن معقوله فاسد. Tu as هذا الميزان pour juger l'authenticité, ou plutôt la fiabilité, ou la situation d'une personne. Est-ce qu'elle est aqila amla? Est-ce que cette personne, elle est douée de raison amla? Ou elle a perdu sa raison? Tu as hadha al-mizan. Celui qui reconnaît le message et la vérité que tous les prophètes ils ont transmis depuis l'époque de Adam wa Nuh jusqu'à aujourd'hui, le dernier de prophète Muhammad alayhi salatu salam, fahadha c'est aqil. Walillahi alhamd. Celui qui rejette cette vérité de tous ses prophètes ou d'un prophète, fa'lam annahu, il a perdu sa raison. Même si il essaie de montrer le contraire, même si بعض الناس يغترون بمثل هؤلاء, لأننا هذا الميزان تأملوا قوله فمن ادعى عقلا ومعقولا يناقض هذا الأصل. Celui qui prétend avoir la raison et avoir une science qui contredit le message des prophètes alayhi salatu wassalam, et la vérité que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a révélé, arafna yaqinan. Fahuna ça montre ta'ammal rahimahullah, il a cité al-ma'rifa ay al-'ilm, ay on saura, on aura cette science yaqinan, ay avec certitude, anna ma'qulahu fasid. Anna, même s'il prétend avoir la raison, même s'il prétend réfléchir, même s'il prétend que telle chose c'est logique, c'est clair, ya'lam anna hadha c'est fasid. C'est totalement faux. قال وان دعواه باطله ان tout ce qu'il prétend c'est faux. قال فان العقل الصحيح لا يخالف الحق الصريح. العقل الصحيح, la raison saine, elle ne contredit pas الحق, la vérité que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à ses messagers. Ça nous montre ماذا هذا, ان celui qui contredit cette vérité, il a un problème dans sa raison, même s'il a fait des études, même s'il a un haut rang dans la société, انه il a un problème dans la raison. Et sa fitra et sa raison, wal'iyadu billah, elles ont changé à cause de l'entourage, à cause des choubahs, à cause de shaitan, à cause de la mécréance qui est répandue dans certains endroits, à cause des idées corrompues, à cause des pensées qui contredisent notre din. Fait que thirun min an-nas, à notre époque, ils ont perdu la raison. Mais annahum, ils pensent que c'est eux les uqala, ils pensent que c'est eux les doués de raison. Bel haoula, en grande majorité, ils critiquent les croyants et ils critiquent la religion de vérité, ils critiquent les prophètes. قال ومما يوضح هذا ويؤيده أن الحق الذي جاءت به الرسل خبرا وحكما نعم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تقدمت معنا الآية, أي لأخبار tous les récits que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, fahada c'est min bab al-sidq, c'est la vérité. Et al-ahkam, hada c'est min bab al-adl, et tous les jugements, c'est la justice. Qala haqqun wadihun ma'loumun ma'soumun la yanqasimu ila mahmoudin wa madhmoum bal kulluhu haqqun mahmoud. Naam, notre din, il n'y a pas une partie des textes qu'on peut partager entre mahmoud et madhmoum. Mahmoud c'est quelque chose de bon, d'utile, et al-madhmoum c'est quelque chose de mauvais, d'inutile. Abadan, la révélation kulluha haq, et c'est min bab al-mahmoud, c'est tout profitable, tout est profitable wallahi alhamd pour l'être humain. Qala bal kulluhu haqqun mahmoud wa amma ma da'aha al-mukhalifun lir-rusul min al-ma'qulat fa innahum ya'tamidun 'ala al-ma'qulat allati tanqasim ila haqqin wa batil. Amma ceux qui prétendent suivre la raison, cette raison elle peut les appeler à une vérité, ou كثيرًا les appeler à des mauvaises choses. قال ومحمود ومحمود ومذموم باتفاق العقلاء. نعم, c'est pour ça que جميع العقلاء, l'unanimité de ceux qui sont doués de raison, si on suit que la raison, on peut avoir raison et on peut se tromper, contrairement à la révélation. La révélation c'est la vérité, la révélation c'est min Allah azza wa jalla. Mais la raison, ça dépend de la personne, et celui qui s'écarte de la religion, des textes, voilà, chaque année, sa raison, elle le poussera au mal. قال وأهلها مع ذلك متباينون تباينا عظيما كل طائفة لها معقولات تنصرها وتقدح في معقولات غيرهم. C'est pour ça que ceux qui s'écartent de la religion, ceux qui s'écartent du Coran et de la Sunna, ils prennent comme base, comme référence, العقل, ils sont toujours divisés. لماذا؟ لأن قال رحمه الله مع ذلك متباينون تباينا عظيما. لأن on est différent. Hein, t'as ta raison, maintenant tu peux comprendre telle chose, c'est profitable. Un deuxième, la même chose, il peut, sa raison, elle lui montre, elle le pousse à dire que c'est nuisible. Comment on fait? Il y aura de la divergence. Chaque groupe a, chaque personne a une raison, et sa raison, elle le poussera à faire telle chose, à accepter telle chose, à rejeter telle chose. Qala تنصرها وتقدح في معقولات غيرها. C'est pour ça que chacun il accuse l'autre d'avoir perdu la raison. Maintenant les juifs ils accusent les chrétiens ils accusent les juifs. Tu prends dans le domaine politique, Ashab al-Yamin, ceux qui suivent des groupes de droite, ils accusent les groupes de gauche de telles choses. Ceux qui sont plus de gauche, ils accusent ceux de droite de telles choses. Les socialistes ils sont jamais d'accord avec avec l'extrême droite. L'extrême droite, ils sont jamais d'accord avec les communistes. Les mandaliens, ils sont pas basés sur une chose qui rassemble. قال وهم في خبط وخلط هكذا شأن celui qui délaisse le Coran ou la Sunna في خبط وخلط. Un jour il dira une vérité et le lendemain il dira plusieurs choses complètement fausses. لماذا؟ لأن l'être humain c'est un être humain avec ses faiblesses, ses manquements. Et cet être humain poursuit la vérité, il est obligé de revenir à la révélation. Et la révélation, c'est la révélation de Allah subhanahu wa ta'ala, al-khabir, al-alim, al-hakim. Faqala, wa khilaf la yandabit. Ta'am al-hal ahl al-bid'a. Les douloureux qu'on a fait auparavant, wa lillahi l-hamd fussibat. Si tu prends ce point, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, vu que ces groupes, ils ont délaissé les textes et prétendent que tu peux comprendre ce sujet avec la raison, fa'l-harafu. Al-Mu'tazila, ils ont accepté les noms, ils ont rejeté les attributs, ils ont accepté des noms. Pour eux, les noms, ça englobe pas des attributs parfaits. Mujarrad Asma, Mujarrad A'la, ils se sont égarés. Al-Jahmiya, ils ont rejeté les noms et les attributs. Al-Ash'ala, ils ont accepté les noms et certains attributs, ils ont rejeté d'autres. Al-Kullabiya, ils ont quelques divergences avec l'Ash'ala. Personne n'est d'accord. Dans le groupe, ils ne sont pas d'accord. Un dit telle chose, l'autre dit telle chose. Ahl al-Sunnah, quand ils sont revenus au texte, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Même si un, il se trompe et il est conseillé, son but c'est la vérité, il reviendra au texte. La personne, on ne dit pas que al-Sunni ne peut pas se tromper là. Il peut se tromper là. La source, elle est infaillible. Enfin, même si un croyant qui recherche la vérité, qui suit Sunna, même s'il se trompe, Walilay al-Hamd, il peut revenir à tout moment à la vérité. Son objectif, c'est la vérité. Et Al-Manhaj qui suit, c'est la vérité. Contrairement à Ha'oula, leur voix qui suivent, elle est complètement fausse. Elle est basée sur la raison. Et ils ont délaissé les textes. Et ils se sont contredits. Qala, l'anna la yufam min hada anna Ha'oula, ils suivent la raison et ils sont vraiment doués de raison. Là, leur principe. Et leur cheminement, Al-Manhaj, il y a plein de contradictions. Et on a vu, on a étudié beaucoup de contradictions de Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya, et encore plus Al-Ash'ira, Fibab, Al-Sibad. Là, ils ont délaissé les textes, et Kadalik, ils ont des problèmes dans la raison. Amma Ahl-Sunna, ils se sont accrochés aux textes, et c'est Aqalunnas. C'est les gens, Al-Hamd, qui ont la raison la plus saine. Les ma'anali, anna la fitra. Et la raison que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le bachar, elle ne contredit en rien les textes. قال وخلاف لا ينضبط قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. تامل هذه الايه. بل كذبوا بالحق. Ils ont délaissé la vérité. كذبوا. بل ils ont démenti. لما جاءهم. La vérité elle leur est parvenue et ils ont démenti, ils ont rejeté. قال فهم في امر مريج. Ça c'est la situation de tous ceux qui rejettent la vérité. قوله فهم في امر مريج, hey, vu qu'ils ont démenti, ils ont rejeté cette vérité, enfin ils sont dans cette situation. في امر مريج, ça veut dire quoi مريج؟ قال الشيخ سعدي رحمه الله dans son tafsir, اي مختلط مشتبه. في امر مريج اي مختلط مشتبه, اي ils sont pas sûrs, ils se contredisent. Et beaucoup de choses s'est mélangé pour eux et c'est mimbab al-mutashabih, ils n'arrivent plus à comprendre. Ils ont délaissé la vérité. قال اي مختلط مشتبه لا يثبتون على الشيء ولا يستقر لهم قرار. C'est pour ça que هؤلاء, tu les trouves, ils changent beaucoup de position. هكذا, celui qui ne suit pas la vérité et ses connaissances elles ne sont pas fondées sur la vérité. Tu trouveras, ils changent beaucoup de position. لماذا؟ Et là où il n'est pas sûr. Un jour il suit un tel, un autre jour il va écouter un autre qui est un peu plus éloquent, il va le suivre. Un troisième il va lui montrer autre chose, il va le suivre. قال فتارة يقولون عنك أي عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وتارة مجنون وتارة شاعر. تأمل, vu qu'ils sont pas sûrs et vu qu'ils ne pouvaient pas réfuter بعلم, ils pouvaient pas réfuter le prophète صلى الله عليه وسلم avec science. لماذا؟ لأنهم ils avaient pas de science, c'était des menteurs. Ils ont rejeté la vérité par orgueil et par passion. Ils ne voulaient pas délaisser la religion de leurs ancêtres. فمرة يديزون بروفيت صلى الله عليه وسلم سي ان ساحر ان سورسي اون اوتر فوا انه سي ان مجنون الي فو اون اوتر فوا انه سي ان بويت است كو لو فو اي بو ايكريغ دو لا بويزي ابدا ان فو سي ان فو لكن هكذا ايز اكوزي ان سويفون لور باسيون قال الشيخ رحمه الله اي توجور دون سون تفسير وهكذا كل من كذب بالحق فانه في امر مختلط لا يدرى له وجه ولا نعم ولا نعم لا يدرى له وجه ثم قال لا يدرى له وجه الى ان قال يعني كلمه كبا واضحه ثم قال فترى اموره متناقضه مؤتفكه ça ça nous montre quoi ça nous montre que هذا c'est pas قوله عز وجل في أمر المريض c'est pas que pour les kuffars c'est pas que pour ceux qui ont combattu le prophète عليه الصلاة والسلام bien sûr eux ils sont désignés en premier lieu par ce verset لكن par rapport au délaissement de la vérité الإنسان il aura une part de هذا الاختلاط والاشتباه et plus l'إنسان il rejette la vérité alors ça dépend bien sûr après quelle vérité si c'est un fondement مثلا c'est encore plus grave et il se retrouvera dans cette situation قال عز وجل بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وهكذا كل من كذب بالحق tous ceux qui rejettent la vérité sont في هذا الحال c'est pour ça que أهل البدع والضلال فلهم نصيب من هذا ils ont une part de cette situation ambiguë et ils n'arrivent plus à comprendre قال كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيل et بالعكس celui qui accepte la vérité qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala en suivant cette vérité son objectif c'est la vérité فالحمد لله il sera pas dans cette situation بل كما قال الشيخ رحمه الله استقام أمره il suivra le droit chemin tout simplement même s'il a pas beaucoup d'ilm même s'il a moins d'ilm qu'un autre لكن Il est sincère, son objectif c'est la vérité. Il suivra le droit chemin selon ses capacités. Wa saddaqa bih qad istaqama amru wa atadala sabilu. Et tu trouveras annahu il est sur le juste milieu. La ifrat ou la tafrit. Il n'exagère pas, il ne s'emporte pas. Même si, bien sûr, ça arrive. Les faiblesses, lakin haluhu, il est tayyib. Pourquoi ? Parce qu'il suit cette vérité. Wa saddaqa fi'luhu qila. Kadhalik, il ne se contredit pas. Sahib al-haq. Il dit une chose et les actions, ses actions ne contredisent pas ses prétentions ou ses paroles. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlih. On doit faire attention de ne pas rejeter le haq par passion ou par précipitation ou par ignorance. Al-insan, si un haq lui parvient, même si c'est de quelqu'un, Rubama, qui te montre ce haq avec une mauvaise intention. Ou même si ce haq, tu l'as entendu de quelqu'un qui n'est pas à la istiqama, moi, tant qu'une vérité, elle te parvient, iyak wa iyana jami'an, de ne pas rejeter هذا الحق. لماذا لأن rejeter la vérité, ça fait beaucoup de mal. قال فهل اتباع هؤلاء الضالين الجاهلين المتخبطين أولى من اتباع رسول الله الذين هم أعلم الخلق وأهدى الخلق وأصدق الخلق وأفضل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال est-ce que العاقل celui qui est doué de raison il va délaisser la voix de tous ces messagers qui ont appelé tous au même principe adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul ils ont appelé à faire les bonnes choses à délaisser les mauvaises choses Et après, bien sûr, il y a des différentes choses par rapport à chaque législation de chaque prophète. Mais la base, c'est la même. Est-ce que le doué de raison, il va délaisser cette voie qui emmène au paradis, il va délaisser tout ce bien pour suivre Ahlu al-Shubuhat, pour suivre al-Mujrimin, qui ne respectent rien que par rapport à leur passion ou s'il y a un profit pour eux. Ha'oula qui font beaucoup de mal, leilan wa naharan, et on les suit et on délaisse la voix des prophètes et des messagers. Et là, ça montre un problème dans la raison. Enfin, on le répète, tous ceux qui ne suivent pas les messagers et qui ne croient pas au message de ces messagers, il y a un problème dans la raison. Comme a dit le Cheikh, en s'appuyant bien sûr sur des preuves. قال وقد سلموا من كل نقص وعيب وعثرة وقد عصموا في أقوالهم وأفعالهم وقد أنزلت عليهم الكتب العظيمة من الرب العظيم. نعم الله سبحانه وتعالى عصمهم. الله سبحانه وتعالى les a préservés. Enfin, c'est les personnes qui Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala, n'a'am, il a choisi. قال وقد أنزلت عليهم الكتب. Contrairement aux autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a révélé des livres. التي هي مادة الهدى ومنبع الرحمة والخير والرشد والنور وأصل السعادة والفلاح. Et ces livres, c'est la source de la miséricorde, de tout le bien, de la guider إلى آخره. وأصل السعادة والفلاح. Celui qui veut réussir, qui veut être heureux et réussir ici-bas et dans l'au-delà, il n'a pas d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Fal-aqil, le doué de raison. Bien sûr que chaque doué de raison, il veut le bien. Lakin, ba'd al-uqul, certaines raisons, elles ont une conception du bien autre que le bien qui est cité dans ces livres. Limada, li'anna al-fitr wal-uqul taghayyarat. Il y a beaucoup de causes qu'on a déjà citées, l'entourage, les mauvaises pensées, ila akhirif wa'd an-nas. Ils se sont écartés de هذه السعادة وهذا الفلاح, de ce bonheur et de cette réussite, en cherchant la réussite et le bonheur autre part. فانحرفوا وضلوا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Celui qui s'écarte du zikr, il aura une معيشة ضنكا. الضنك, c'est les soucis, l'angoisse, la tristesse, et la akhir, il ne sera jamais tranquille. فالعاقل, le doué de raison qui veut du bien pour lui et pour ses proches, qu'il fasse des efforts dans l'apprentissage de cette religion, l'islam, et de la mise en pratique. Et d'avoir cette intention au départ de rechercher la vérité. قال وقد نوع الله البراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به وأنه الحق وما سواه ضلال وأنه نور ورحمة وخير وما سواه ظلمات وشرور وفساد فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. تقدمت هذه الآية كثيرا معنا. قال أما والله لقد وضحت السبل للسالكين وظهرت براهين الحق وآياته للموقنين وبان الهدى والنور اليقين وبان الهدى والنور اليقين للمستبصرين وقامت الحجة على المعاندين. صدق رحمه الله أن la voie est claire et la vérité كذلك واضحة جلية et آيات الله سبحانه وتعالى tous les signes d'Allah سبحانه وتعالى ceux qui ont اليقين فإن les ont accepté وقامت الحجة على المعاندين et la plupart des gens قامت عليهم الحجة. À notre époque, la plupart des gens قامت عليهم الحجة. Là, beaucoup de gens, ils ont délaissé la vérité pas par ignorance ou parce que personne leur a montré ou parce qu'ils ignorent. كثيرون من الناس et délaissent la vérité en inad. Et ceux-là n'ont pas d'excuses عند الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا كان جميع الأشقياء المخالفون للرسل يعترفون بأنهم خالفوا الرسل وخالفوا العقل. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هؤلاء الذين يدعون ceux qui prétendent ici-bas, من الكفر والملاحدة, أنهم c'est eux qui ont compris, أنهم c'est eux les doués de raison, et critiquent les croyants, critiquent les prophètes, les messagers, le livre d'Allah عز وجل, إلى آخره. يوم القيامة, le jour du jugement, quand ils verront la vérité, quand ils entendront la vérité, plus personne n'aura aucun doute, يوم القيامة. Il y en a, tout sera apparent. Tout sera, ils verront l'enfer, ils verront beaucoup de choses qui font partie de l'invisible. Enfin, ce jour-là, ils seront ressuscités. Donc, ils sauront que, après la mort, c'était la vérité. Et l'au-delà. Ils seront ressuscités. Tout le monde sera vivant. À ce moment, ils diront, لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Si on écoutait, ou si plutôt on aurait écouté, et on aurait raisonné, on ne ferait pas partie de, des gens de l'enfer. Ça montre mal, ça montre anna ha'oula qui n'ont pas obéi au messager, qui ne se sont pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas de raison. Et ils contredisent leur raison jour après jour. Ça montre qu'ils ne raisonnaient pas. S'ils raisonneraient, ils ne feraient pas partie de ha'oula. On se répète. Cette religion, elle t'appelle à quoi? Elle t'appelle à respecter tes parents, à respecter ton voisin, à être véridique, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, à suivre le prophète Mohammed alayhi salatu salam, à s'écarter des mauvaises choses, à pratiquer les bonnes choses. Celui qui raisonne, qu'est-ce que tu vas perdre d'appliquer hada din? Tu vas rien perdre. Bel Allah subhanahu wa ta'ala wa'ad al-mu'minin bin nasr wa tamkin. Celui qui applique ce din, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élèvera. Et on le voit hada tous les jours. Kadhalik, celui qui applique ce din, il ne prend aucun risque pour l'au-delà. Wallahi alhamd al-mu'min il est à la yaqin, il sait, il est convaincu. Anna yawm al-qiyamah, il sera ressuscité, il aura des comptes à rendre, il a akhir. Ha'oula, vu qu'ils ont perdu leur raison fi dunya et ils regretteront le jour du jugement, ils diront hada al-kalam. Law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashab as-sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim. Ils ont reconnu leur péché. Fasuhqan li ashab as-sa'ir. Lakin, c'est d'aucune utilité. Fasuhqan ay bu'dan. Ils seront éloignés, ils seront jetés dans le feu éternellement. Enfin, cette excuse, elle n'est pas suffisante. Les voix d'aller, cette excuse, elle n'a aucun poids. Pourquoi? Parce que tout est clair. Heureusement qu'ils ont reconnu. Les Anahom, ils se font châtier. Ils sont dans une situation critique. Ça montre Anahom, ils ont tout perdu. Ammal aqil, al-aqil, il se repent avant que ça soit trop tard. Al-aqil, il fait des efforts pendant que il est encore temps. Mais ça montre qu'ils ont perdu la raison. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné une durée de vie de 10, 15, de plutôt 20, 30, 50, 60, 70 ans. Il a arrêté. Ils n'ont fait aucun effort. Quand c'est fini, et Allah subhanahu wa ta'ala les ressuscite, ya'tarifun, ils reconnaissent. Alors que c'est d'aucune utilité. Ils auraient reconnu hada fi dunya. C'est pour ça que l'i'tiraf, c'est tayyib, lakin à son moment, et au moment donné, au moment qu'il faut, l'i'tiraf c'est pas bien, mais après la mort c'est d'aucune utilité. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiya wa salam. Naam, on passe inshallah à la deuxième partie et on essaye de finir bi'idnillah azza wa jalla.